Arthur Rimbaud a une place à part parmi les poètes traditionnellement rangés sous l'étiquette poète symboliste. Ces poètes ont réagi contre les poètes romantiques, je vous renvoie au dossier sur Lamartine, Musset, Vigny, Hugo et autres, et contre les poètes parnassiens, et je vous renvoie également au dossier qui leur est réservé. Arthur Rimbaud méritait donc bien, à lui tout seul, un dossier particulier. Vous trouverez, dans le présent dossier, des extraits de deux lettres à ses professeurs. Une quinzaine de poèmes, enregistrés intégralement, publiés sous le titre « Poésies diverses ». Trois extraits d'une saison en enfer. Et enfin, cinq poèmes en prose, extraits des Illuminations.